5, voici la France. Y'a des voitures qui brûlent et des fachos en transe. Y'a Sarko au pouvoir qui pète trop sa gueule. Et maintenant que ça va mal, parle tout bas et recule. Y'a des flics qui provoquent et squattent les infos. Et se vendent de l'histoire des jeunes ou transfo. Et je me demande, veulent-ils la guerre ou la paix? Y'a deux gosses qui sont morts, où est passé le respect? Et y'en a qui profitent de la situation. Incendie de caisse, jet, pierre et agression. Et ça me rappelle les faits de 2002. Quand les médias mettaient de l'huile sur le feu. Une putain de guerre civile s'installe dans ce pays. On sait qu'on ça commence mais pas quand ça finit. Et j'ai peur qu'on transforme les coupables en victimes. Et de voir à l'Elysée Le Pen et ses amis. Corruption des droits de l'homme dans ma ville. Voilà pourquoi on est tous hostiles. Après les gens disent qu'on a tous le même style vestimentaire ou la manière de manier le micro et le stylo. C'est pas un effet de mode ou de style. Je veux pas percer comme Gillo. Moi c'est Cabo. Pour ma zone de sens c'est tous mes potes. Pourquoi tant d'émeutes? Ramage de voitures mais pas de meurtre. C'est vrai qu'on nique notre quartier. Je reste neutre mais un quart des flics tu. Voilà pourquoi dans la tête des jeunes c'est défectueux. Le coup de cœur cherché pour eux avec leur discours pourri. Y'a pas de racaille ici. Juste des jeunes qui cherchent une issue à travers un système scolaire qui déçoit au couvre-feu. Ça sert à quoi? À 6h du soir y'a le feu en bas de chez moi. On nous montre du doigt parce qu'on nous veut des couleurs de potes. T'as le choix, on n'a pas choisi de vivre ici. J'débarque sur ce son avec un but en vision. D'organiser la résistance est ma seule mission. Une verbale agression pour créer la pression sur l'état qui fait qu'on soit en dépression. Sans cesse j'agresse et les ministres stressent. Ni politesse ni de sagesse car ils nous blessent. Pourquoi être correct alors qu'ils veulent pas qu'on progresse à leur tasse? Et passe-moi loin jusque j'efface cette souffrance laquelle la France m'impose. Ceux qui n'ont rien n'auront jamais quelque chose. Donc je dose de la rage, c'est tout ce que je dispose. En overdose, j'ose pour mettre ce pays en cause. Pour mes sauces qui passent leur temps derrière le fer. Pour mes résistants qui vont jamais se taire. Toute la France est un, le pays est en flammes. Et malgré ton cachet, les voitures